Allô? Oui? Willick? Bla bla bla. Ah bla bla bla. Sois pas sûr de toi, avec la haine tu gagnes pas. Tu veux qu'on s'aime, c'est avec la mahabba. Alors mon pote, kefa, y'a pas de l'herba. J'ai pas la potion, remède, côté d'Arsa. Où l'intention de remuer les fesses jusqu'au Barça. Quand on cause à l'addition, à part ça. Fausse prétention de mafia. Gardez le son, gros bras. Mon équipe à la France dans ce combat. On a les munitions, les convois. Arrête de faire semblant si tu savais pas. Quoi, la perdition de ce monde ici bas. Quoi, te dire trop bla bla bla. Et ouais, j'suis pas parfait, j'corrige mon cœur crasseux. Pour l'amour de mon maître et ma famille qui sont si précieux. Les pieds sur terre, mais j'suis paresseux. Et pas de mystère, ce monde est vicieux. On fait affaire avec les malicieux. Pour clouer le bec des ambitieux. Leurs commentaires, ils me sortent des yeux. Et ils suffèrent sur terre, ils me pensent ses yeux. À quoi ça sert de plaire à ceux? Vous me stère ou parlez peu. Les gens sincères sont silencieux. En mis tout ça, j'fais confiance qu'à mon maître de la terre et des cieux. Alors frère, regarde à qui tu fais confiance, hein. Bla bla ou bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Pas venu pour faire un best-seller pour les 15-20 ans. Quand ça sert d'habiller de haut en bas flambant. Comment on se parle, comment on se répand. Comment on traite nos frères et sœurs des délinquants. Les merdes tu restes à part où les faux se montrent. Et ouais je débarque bonhomme si c'était pas les balles du pompe. Il paraît que le mal se manque. Trop de bavards qui viennent qui montent. Pas trop de balles qui me cirent les pompes. D'histoires passionnantes. De bars, bouteilles, de chambres, de femmes compatisantes. Mais la plupart de ces femmes sont répugnantes. C'est ces beaux bars ambiance fascinante. Eh ouais, on oublie la puissance du hack impressionnant.